Mama mwena netala, mama mwena se belmeo. Ini chale me devanti la terre. Ini chale me devanti la terre. Contact là, c'est contact là. Courant, c'est courant. Avant de marcher, ni longtemps ou pour faire. Tu te souviens l'année dernière, tu avais injurié ma mère. Cette année-ci, ma mère, c'est ta belle-mère. L'année passée, où t'es joué, maman mouère, en état là, maman mouère, c'est belle-mère. Tu te souviens l'année dernière, tu avais injurié ma mère, c'est ta messie, ma mère, c'est ta belle-mère. Où qu'a changé l'année passée, où t'es joué, maman mouère, en état là, maman mouère, c'est belle-mère. Baby, baby. arrêté tout bout tout vol la porte là. Maman nous va nous en boutique qui dit nous j'en j'en plus d'autres fait rouler. Tu j'en j'en qui panne là j'en pas arrêté tout bout tout vol contre là. Et puis qui alors? Et puis qui alors? Et puis qui ça moi qui paye l'oye gai là? Et puis roche alors? Et puis brique alors? Et puis qui ça moi qui paye l'oye gai là? Comment moi, Bertrand? arrêt. Comme moi, pétrole, la journée qu'on en a. Aïe, aïe, aïe, l'air doux. Alors